Pour ajouter à votre ne comprends pas bien. Qui veut dire cela? Rien, rien. Parlons de toi, la messagère. Tu vas retourner au pays. Oui. Verrà a pie, tu lui dirai che suo fils l'aime la venera e qu'il se répond aujourd'hui. Il veut che la basse mère soit contente. Ma mère.